à la 5e place. Petit bélier, chanté par Gaël Faye, Jean Francis Mouille. Gaugou gatoi, gaugou kaninia, wala punwa ni wapuye, wala gowe ni wagoka, gaugou gatoi. Une feuille et un stylo apaisent mes délires d'insomniaque. Loin dans mon exil, petit pays d'Afrique des Grands Lacs. Remémorer ma vie, naguère avant la guerre. Trimant pour me rappeler mes sensations sans rapatriement. Petit pays, je t'envoie cette carte postale. Ma rose, mon pétale, mon cristal, ma terre natale. Ça fait longtemps, les jardins de Bougainville. À la 4e place. Kenyo Philippe, Achidia. Sexy lady, come on, let it groove in your styling. Oh baby, come on, make it move in your styling. Can you feel it? Can you feel the spirit of my love? Can you feel it? Can you feel it stepping around you, girl? Can you feel it? Can you feel the spirit of my love? Can you? À la 3e place. Umwanya, Yves Kamikiwe. Uraemuka, chamurachi, kigikoko. Uko bisomera kose umwanya uzo gukosora. Rimwe, kabiri, gatatu, rimwe, kabiri, gatatu, rimwe, kabiri, gatatu. À la 2e place, Gwagiyehe, Sadbi. Oh la la, urukundo rwanyu, uruhikurura, utansigara wibaza. Iyo rwagiye, indirimbo nziza, yakuririmbira, mbeza giyehe, nasazi. À la première place, qui est aussi la chanson de la semaine. You're in the mix with DJ Prince. Désormais, vous pouvez nous aider à faire un classement des 5 chansons les plus aimées du moment. Allez sur notre page Facebook et choisissez la chanson que vous préférez. Vous pouvez également nous envoyer un texto sur 79 402 336 79 402 33. Urambabaza by Fizzo. Fizzo baby, ay, ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Masherio, nalingio, nakukunda. Erega ni wewe nkunda na utavyumba. Umutima n'ibitekerezo warabitwaye.